parce que on veut rafraîchir le curriculum au cégep et on veut amener des cours d'histoire. Maintenant, quand je dis qu'il faut mettre ça sous surveillance, c'est quand on donne le mandat des barbichettes du ministère de l'Éducation, faut toujours les surveiller. Ils peuvent nous arriver avec toutes sortes de méthodes de gorlot, des méthodes, des cours un peu bizarres, remplis de rectitude et de vivre ensemble. Bon, un cours d'histoire, par exemple, sur la contribution des Ougandais dans la construction du tissu social de Valleyfield entre 1960 et 1974. C'est ce genre de cours dont on n'a pas besoin, là. Donc, un petit peu de cours solide, un genre de cours d'histoire de la France. Mais Robespierre, oui, mais France contemporaine, là. De Gaulle à nos jours. Oh, j'aimerais ça, j'aurais quasiment le goût de retourner au cégep. Cours d'histoire des États-Unis. Cours d'histoire des grands pays. Oui, oui, cours d'histoire du Québec, oui. Mais sortir un peu de la paroisse. Cours d'histoire de la Russie. Oh, cours d'histoire de la Chine. Mais de la Chine du 20e siècle. Oh boy, ça c'est bon. Parce que ça te donne des clés de décodage de l'actualité. Ça te donne des clés de compréhension. Ça te donne un cadre de compréhension de l'actualité moderne avec les puissances d'aujourd'hui. Et cours de l'Amérique latine. Là, évidemment, je suis en train de dresser le cours tranquillement, pas trop vite, mais sous surveillance. Parce que la propension qu'ont certaines barbichettes d'assaisonner les cours avec un petit peu de pleurnichage nationaliste du genre le Québec... victime éternelle du fédéralisme canadien, le déséquilibre fiscal, le Québec encore la victime des provinces de l'Ouest, on voit le genre là, ça peut arriver là, ça peut arriver. Donc, si ce cours-là est bien fait, je pense que ça doit être salué.